créer pour eux-mêmes. Une création qui aura nécessité pas moins de 26 ans de préparation et qui dans 16 jours disparaîtra. New York, Étienne Truchot, France Inter. Et oui, ce qui fait l'originalité des œuvres de Christo, c'est leur dimension et aussi leur nature éphémère. Après le loto, après Christo, la météo et vu du ciel, la France ce samedi n'a pas tiré le gros lot. Je vous souhaite quand même un excellent après-midi. Merci Philippe Habitboul, on va voir tout ça tout de suite maintenant avec Jacques Kessler pour les prévisions météo de Météo France. La météo avec Démépoule, réseau national de déménageurs pour les entreprises et les particuliers. Un temps gris et humide va largement prédominer cet après-midi. Quelques éclaircies tout de même qui subsistent en Provence, dans les Alpes du Sud et l'Est de la Corse. Et des éclaircies qui commencent à apparaître aux abords de la Manche. Elles vont progresser jusqu'à la Vendée, l'île de France en fin d'après-midi. Des températures élevées pour la saison, maximum de 12 degrés à Strasbourg, 13 à Paris, 14 à Nantes, 15 à Biarritz, 16 à Ajaccio, 17 à Marseille. Un vent d'ouest sensible jusqu'à 90 km/h sur les côtes de la Manche. Demain, ce vent tournera au nord-ouest et se renforcera à 110 km/h en Manche et sur la côte varoise jusqu'à 130 dans l'ouest de la Corse. Il accentuera la sensation de refroidissement, baisse pratiquement généralisée des températures, retour de quelques gelées matinales dans les vallées du Massif central et des Alpes, chute importante de l'altitude en limite entre pluie et neige. Dans l'après-midi, les averses pourront être neigeuses jusqu'en plaine dans les régions Alsace, Lorraine, Bourgogne et Ardennes. Le ciel, d'une manière générale, restera très chargé en montagne, chute de neige persistante du Jura à la Savoie, en plaine ciel plus variable, des averses sauf sur les bords de la Méditerranée. Merci Jacques Kessler. Vous écoutez France Inter, il est 13h21. On vous souhaite un très très bon début de samedi après-midi avec nous et avec Rendez-vous avec X et Patrick Pénaud. On croit les connaître par les nombreux films qui leur ont été consacrés, les Yakuza. Des gangsters japonais extrêmement violents mais qui obéissent à un véritable code de l'honneur, subissant une cruelle initiation, se coupant une phalange, se tatouent le corps et tirent leur sabre à la première occasion. Bref, des samouraïs dévoyés mais qui gardent un esprit chevaleresque et sont dévoués corps et âme au chef de leur clan. La réalité est moins glorieuse et plus prosaïque, et surtout beaucoup moins folklorique. Les Yakuza, même si leur nombre a diminué, n'ont en rien perdu de leur influence, sont toujours étroitement liés au personnel politique japonais et contrôlent des pans entiers de l'activité du pays. Une intrication inquiétante étant donné la puissance économique du Japon. Mais M. X choisit d'abord d'éclaircir les conditions dans lesquelles les Yakuza ont prospéré après la capitulation japonaise de 1945. Et il met en lumière leur rapport avec les services secrets alliés. Un dernier mot avant d'écouter mon interlocuteur. Un excellent ouvrage de deux journalistes états-uniens sur l'emprise de la mafia japonaise n'a pu trouver d'éditeur au Japon. C'est dire combien les Yakuza font toujours peur. France Inter, rendez-vous avec X. Je veux pas remonter trop loin, mais enfin, il faut quand même savoir d'où viennent les Yakuza. Mm-hmm. Hein, le mot lui-même, d'ailleurs, désigne une combinaison de cartes à jouer sans valeur. Yakuza 8, 9, 3. Un terme appliqué pour qualifier des gens de peu, des joueurs, des trafiquants, des gangsters. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une combinaison qui perd. Hein. C'est des voyous, quoi. Ouais. Qui ont été rejoints par des samouraïs désœuvrés. Des mercenaires errants qui avaient perdu leur maître. Et c'est ainsi que de véritables bandes se sont constituées à la fin du régime féodal. Des gangs organisés un peu à la manière des familles de la mafia italienne, avec une hiérarchie rigoureuse. Le Yakuza doit ainsi obéir aveuglément à son chef. Ouais, le chef est une sorte de parrain. C'est tout à fait ça, oui. Et ses affidés doivent respecter un strict code de l'honneur. C'est ce qui explique qu'il bénéficie d'une aura romantique et que ses rebelles sont persuadés d'incarner les plus vieilles traditions japonaises. Ouais, alors que ce sont d'abord des gangsters. Absolument, ouais. Même si à la fin du 19e siècle, les Yakuza vont faire assaut de patriotisme et afficher une fidélité totale à l'empereur. Les Yakuza, parfois regroupés au sein de sociétés secrètes, jouent à ce moment un rôle essentiel dans la militarisation du régime impérial et sa politique d'expansion coloniale. Mmh. Et alors que le capitalisme nippon se renforce, ils nouent aussi des liens très étroits avec le patronat. C'est-à-dire Ils sont utilisés comme mercenaires contre les syndicalistes et tous ceux qui contestent l'ordre établi. Et au besoin, ils n'hésitent pas à assassiner les politiciens libéraux et même à collaborer avec la police pour réprimer les mouvements ouvriers. En même temps, ça, je vous l'ai dit, ces super patriotes fomentent des mauvais coups pour favoriser la colonisation. Ce sont par exemple des Yakuza qui vont assassiner la reine de Corée. Un événement qui prépare l'intervention japonaise dans ce pays. Et l'annexion qui suivra. Hein. C'est exact, oui, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque le Japon occupera la Chine dans les années 30, on y retrouvera aussi les Yakuza. Certains parrains, ceux qu'on appelle les Kuromaku, et qui font le lien entre les voyous et le personnel politique, organiseront les trafics de matériaux, les matériaux précieux et stratégiques. Une exploitation qui leur permettra d'ailleurs de bâtir d'immenses fortunes. Les Yakuza sont donc d'une certaine façon associés au pouvoir impérial. Oui, oui, en tout cas, ils en sont très proches. Si proches, même que ces Kuromaku seront considérés comme des criminels de guerre au même titre que les dirigeants politiques et militaires du Japon. Mais tout reste alors, les Yakuza ont-ils pour autant abandonné leurs activités traditionnelles? Ah non, ce sont eux qui contrôlent le jeu, le trafic de drogue ou encore la prostitution. Et à ce propos, faut pas oublier le sort des dizaines de milliers de Coréennes qui sont devenues ce qu'on a appelé hypocritement des femmes de réconfort. Oui, c'est-à-dire des prostituées, hein, destinées à assouvir les désirs sexuels des militaires nippons. Ces malheureuses auront le plus grand mal à faire reconnaître qu'elles ont été exploitées de façon ignoble par les Japonais. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Les autorités nippones ont toujours répugné à reconnaître les crimes qu'ils ont commis à cette époque. Enfin, nous en reparlerons. Alors, justement, hein, quand le Japon capitule, que deviennent les Yakuza? Quelques parrains sont inquiétés. Des hommes qui sont emprisonnés par les Américains qui ont mis le pays sous tutelle. Ah oui, MacArthur. Oui, le général Douglas MacArthur qui, dès la fin de la guerre, devient une sorte de proconsul tout puissant. Il faut d'ailleurs noter que les États-Unis ont exercé seuls le pouvoir au Japon, alors qu'en principe, les autres alliés devaient y être associés. Bon, enfin, passons. L'ambition des Américains est alors d'aider à la reconstruction du pays, mais aussi de briser une fois pour toutes le militarisme japonais en introduisant la démocratie. Ouais, alors que le Japon n'a jamais connu de système réellement démocratique. En effet. L'empereur Hirohito est donc privé de la plupart de ses pouvoirs au profit d'un gouvernement élu. D'autre part, un nouveau code du travail est mis en place. La création de syndicats est encouragée, les partis interdits sont à nouveau autorisés, et même le parti communiste et les grands trusts industriels coupables d'avoir participé à l'effort de guerre sont démantelés. Et tout ça va dans le bon sens. Oui, et en même temps, une trentaine d'anciens dirigeants politiques et militaires, plus quelques Kuromaku, sont traduits devant la justice pour crimes contre la paix. Ouais. Et alors, l'empereur Hirohito, qui est tout de même le premier coupable. MacArthur n'ose pas le faire inculper. Mais pourquoi? Dans cette société encore traditionnelle, l'empereur est un facteur d'unité et un être quasi divin. Les Américains, qui ont donc besoin de tous les Japonais pour reconstruire un pays dévasté par la guerre, et ils n'osent pas s'attaquer à ce symbole vivant. Mais pourtant, il n'était pas moins coupable que Hitler. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais ainsi en a décidé MacArthur. Et à Washington, on n'a trouvé rien à redire. Et à mon humble avis, c'était très grave. Et pourquoi alors? Parce que c'était un exemple, un encouragement pour tous ceux qui avaient suivi Hirohito et s'étaient rendus coupables de crimes de guerre dans l'Asie entière. Si le premier de ces coupables échappait au châtiment, ça signifiait que les autres n'avaient nulle raison de battre leur culpe. Mmh. Oui, mais il y a quand même eu des condamnations de criminels de guerre. Quelques-unes, oui. Enfin, une trentaine d'entre eux sont jugés. Dont quelques Kurumaku dont nous reparlons, si vous voulez bien. Mmh. Le procès est interminable. Et finalement, il y aura 7 exécutions, les autres étant emprisonnés. Toutefois, des criminels notoires sont oubliés. À qui, par exemple? Le responsable de la terrible unité 731, qui ont procédé à des expérimentations bactériologiques sur des prisonniers. Ils ne seront jamais inquiétés. Vous avez une explication, là? Oui, et elle est scandaleuse. Les Américains se sont vivement intéressés à ces sinistres expériences scientifiques. Et pour mieux étudier ces travaux, ils ont choisi de ne pas poursuivre leurs auteurs. Enfin, là, je m'éloigne un peu. Mmh. Demandiez donc ce que deviennent les Yakuza après la guerre. Eh bien, ils prospèrent. C'est quand même paradoxal, non? Parce que eux aussi ont des choses à se reprocher. Naturellement. Mais la pègre est la pègre. Et quand les temps sont troublés, les voyous finissent toujours par tirer leur épingle du jeu. Et les occasions de faire des affaires ne manquent pas. Les dizaines de milliers de soldats de l'armée d'occupation réclament eux aussi des filles et de la drogue. Des soldats avec lesquels on peut également organiser un fructueux marché noir. Oui, à partir des magasins de l'armée. Les PX, oui, bien sûr. Mais il y a aussi les trafics de terrain. Dans les villes dont les registres cadastraux ont brûlé, les Yakuza s'approprient des parcelles en toute impunité. Bref, vous voyez, ça va très bien pour eux. D'autant plus que MacArthur ne va pas tarder à changer de stratégie. La raison, une nouvelle fois, c'est la guerre froide. Au Japon, le Parti communiste étend son influence. Dans le même temps, en Chine, l'armée populaire progresse. Oui, en 1949, Mao Zedong finira par triompher. Et ce sera bientôt la guerre de Corée. Et devant ce danger communiste, il est bien tentant de s'appuyer sur le personnel politique japonais. Oui, tant pis si ce personnel politique a été compromis dans la politique belliqueuse du Japon. En effet, oui. Et il est aussi bien tentant de récupérer les spécialistes du renseignement qui disposaient de réseaux très efficaces en Chine et en Corée. Et très tôt, ces hommes collaborent avec les Américains. Un petit peu à la façon dont en Allemagne, les services secrets états-uniens ont utilisé un Gehlen, par exemple. Ou un Barbie. Oui, vous avez raison. Oui. Donc, sans trop se soucier de leur passé. C'est exact, oui. Mais est-ce que tous les responsables américains sont d'accord avec cette stratégie? Non. Certains généraux protestent vivement. On assiste même à une réelle bagarre entre les diverses factions des services secrets américains. Mais c'est MacArthur qui est le patron. Et il a toute confiance dans son service de renseignement, le G2, dirigé par le général Willoughby Bay. Mais un mot, si vous le voulez bien, sur ce type. Je vous écoute, oui. Ce général, d'origine allemande, qui a anglicisé son nom, est un homme d'extrême droite. D'ailleurs, il deviendra plus tard conseiller de Franco. Ah oui. Et MacArthur l'appelle en riant mon gentil petit fasciste. C'est-à-dire, il n'ignore rien de ses idées. C'est évident. Willoughby Bay est par nature farouchement anticommuniste. Et l'idée de collaborer avec des ultranationalistes japonais, même criminels de guerre, ne lui fait pas peur. Bien au contraire. C'est lui qui leur permet de créer des officines paramilitaires chargées de réprimer les monnaies communistes. Lui aussi qui obtiendra la libération de deux richissimes Kurumaku, et qui sont pourtant condamnés comme criminels de guerre. Et deux hommes dont il veut se servir dans son combat contre le communisme. L'un s'appelle Yoshio Kodama, l'autre Yoshi Sasakawa. Et tous deux vont jouer un rôle essentiel dans l'histoire du Japon moderne. Bon, n'allons pas trop vite. Mmh. La conséquence, c'est que le milieu va rapidement revenir au premier plan et gangréner, comme autrefois, la politique et la finance. D'autant que la concurrence acharnée entre les services secrets états-uniens qui recrutent à tout va facilite cette infiltration. Ouais, parce qu'on n'est pas très regardant. Oui, les Yakuza deviennent incontournables. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Un mot, avant de poursuivre, sur l'un des deux Kurumaku évoqués par Monsieur X, Kodama. Voici ce que je lis dans un livre de William Raymond, Mafia SA. Sa carrière débuta en 1932 quand il créa son propre mouvement d'extrême droite, un groupuscule violent qui tenta à plusieurs reprises d'assassiner des opposants politiques au gouvernement nationaliste japonais. Kodama fut même incarcéré pendant 3 ans. Libéré, désormais adhérent du parti nationaliste au pouvoir, il va devenir un espion au service du Japon. Sous le couvert d'affaires, il créa un important réseau de renseignements mandchous couvrant l'ensemble du territoire chinois. Durant la Seconde Guerre mondiale, ses services deviennent même indispensables à l'effort de guerre du pays. Grâce à son réseau chinois, il achète en contrebande du radium, du nickel, du cobalt et du fer. Une partie des transactions étant payée en héroïne. Kodama, avec l'aide des Yakuza, apparaît comme l'un des principaux fournisseurs. Lorsqu'en 1945, le Japon capitule, à tout juste 34 ans, il se retrouve à la tête d'une fortune estimée à 175 millions de dollars, qui ne lui permet toutefois pas d'échapper à la prison. Mais en 1948, il est gracié dans le cadre d'une amnistie générale décidée par les Américains. À travers le G2 et la CIA, on cherche à utiliser le potentiel de ces réseaux anticommunistes, car en ce début de guerre froide, Kodama s'avère un allié précieux grâce à ses informations capitales sur les insurgés communistes de l'ensemble du bassin asiatique. D'autant qu'en étant en contact avec le crime organisé japonais, il peut, comme les États-Unis le firent à Marseille, aider la CIA à contrôler l'activité syndicale d'après-guerre. Le virage à droite de la politique états-unienne au Japon se traduit donc par une réhabilitation massive des criminels de guerre. On passe l'éponge et ils sont des dizaines de milliers à profiter de ces mesures. Mais du même coup, disiez-vous, le crime organisé bénéficie d'une sorte de reconnaissance. Oui, certains gangs vont même avoir pignon sur rue. C'est-à-dire ça, pignon. Ils vont ouvrir des bureaux censés abriter des associations patriotiques d'entraide ou de promotion des traditions chevaleresques. Enfin, quoi qu'il en soit, grâce au Kurumaku, ils vont être étroitement mêlés à la vie politique du pays. Les politiciens, essentiellement de droite, n'hésitent pas à faire appel à leurs services comme hommes de main ou briseurs de grève. Les Yakuza commettent même des assassinats politiques, comme celui du secrétaire général du Parti Socialiste en 1960. Mmh. Et alors, combien sont ces Yakuza-là? Alors, apogée, dans les années 60, la police estime qu'il existe quelque 180 000 Yakuza répartis en 5000 bandes. Ouais, 5000 gangs, quoi. C'est énorme, hein? Effectivement, oui. Mais leur nombre a progressivement fondu. Ils ne sont plus aujourd'hui que quelques dizaines de milliers, regroupés au sein de 3 familles, pour reprendre l'image de la mafia. Mais il y a Yakuza et Yakuza. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Certains sont spécialisés. Et on distingue 3 catégories. Il y a d'abord au bas de la pyramide les groupes violents. Ce sont leurs membres qui contrôlent le trafic de drogue, le racket, le jeu et la prostitution. Enfin, ils n'en restent pas là. Ils peuvent, à l'occasion, gérer l'embauche d'ouvriers dans les ports ou les travaux publics. Ils ont aussi pris en main l'immigration illégale, celle des prostituées, par exemple. Quoi d'autre encore, hein? Étant donné le sous-développement du système judiciaire japonais, ces Yakuza s'improvisent même médiateurs dans des affaires civiles. Médiateurs, c'est par exemple... Des règlements de dettes ou des conflits d'ordre privé. Et ils sont généralement très convaincants. Ouais, parce que, à cause de la peur qu'ils inspirent. Forcément. En outre, ils ne dédaignent pas les affaires immobilières. Un propriétaire qui veut expulser ses locataires, par exemple pour vendre à un promoteur, peut très bien s'adresser à eux. Il existe ainsi les bandes de Yakuza qui agissent par l'intimidation et sont capables très rapidement de faire place nette. Et la deuxième catégorie de Yakuza? C'est une spécificité tout à fait japonaise. Ce sont des types ou des gangs qui pratiquent le chantage aux entreprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le faire chanter les entreprises? Ils ont 2 modes d'action. D'abord, ils peuvent être employés par des entreprises qui désirent éviter toute contestation dans leurs assemblées générales d'actionnaires. Oui. Alors, ils viennent là pour donner de la voix. Oui, étouffer toute mise en cause des dirigeants par les petits porteurs. Enfin, ils peuvent aussi récolter des informations confidentielles sur les grosses sociétés et faire chanter leurs patrons. Et les experts de ces questions estiment qu'un peu moins de la moitié des plus grosses entreprises du pays subissent ce chantage. Ils doivent donc engraisser les yakuza. Oui, parfaitement. Ah, mais ça, non seulement c'est énorme, je trouve, mais enfin c'est illégal. Bien sûr. Alors, comment expliquer la relative impunité dont ils jouissent? Vous avez raison de parler d'impunité relative, car certains sont quand même régulièrement arrêtés. Mais laissez-moi d'abord poursuivre. Le troisième groupe, qu'on avait oublié, le troisième groupe de Yakuza est constitué de nationalistes purs et durs, des gens d'extrême droite, dont les partis sont officiellement enregistrés auprès de l'administration et qui s'attaquent à tous ceux qui osent afficher des idées contestatrices ou déviantes. Ceux, par exemple, qui osent mettre en cause l'empereur ou les traditions nationales. Alors, quel est leur mode d'action ? Généralement, ils harcèlent leurs victimes en s'installant devant chez elles avec de gros cars, munis de haut-parleurs qui vomissent des insultes. Ils s'en sont pris plusieurs fois au syndicat des enseignants, leur bête noire. Mais les autorités laissent faire hein ? Oui, la plupart du temps, oui. Alors, il faut revenir à cette question de l'impunité. Il existe au Japon, même si ça a tendance à diminuer, une sorte de consensus entre la police et les yakuza. Il faut savoir, en effet, que c'est un pays où la délinquance ordinaire, enfin celle de la rue, est très faible. Alors tant que les yakuza ne menacent pas l'ordre public en procédant par exemple à des hold-up ou des assassinats en public, eh bien la police a tendance à fermer les yeux sur leurs activités illégales. Mieux, ces derniers, qui veulent faire leurs affaires en toute tranquillité, sont même capables de livrer de temps en temps un coupable à la police. Et il existe donc une vraie connivence. Oui, c'est certain. Même si des yakuza se retrouvent régulièrement derrière les barreaux. Mais là encore, la complaisance existe. Un yakuza sur trois ou quatre connaît la prison où il reste en moyenne 2 ans. Une sorte de rotation régulière et consensuelle qui n'affecte nullement la continuité des activités des gangs. Et naturellement, les chefs sont rarement mis en cause. Si je comprends bien, enfin j'exagère un peu, mais les yakuza disposent d'une sorte de statut officiel. Oui, car ils ont infiltré les sphères politiques et économiques. Économiques, car ils contrôlent aujourd'hui des parts importantes de secteurs comme l'immobilier, la construction, les transports, les services financiers et l'assurance. En outre, dans les années 80, ils se sont lancés à corps perdu dans la spéculation financière et ont massivement emprunté auprès des banques qui n'avaient rien à leur refuser. Ou qui ne le pouvaient peut-être pas, non? Enfin, que s'est-il passé alors lorsque la bulle financière, comme on dit, a explosé au début des années 90? Eh bien, les banques se sont retrouvées dans de grandes difficultés. Ah oui, ça. Et toute l'économie japonaise avec elles. Car les yakuza ont purement et simplement refusé de rembourser. Et les rares banquiers qui ont essayé de récupérer leurs créances, il y en avait quand même pour des dizaines de milliards d'euros, l'ont payé très cher. Des bombes ont été placées devant leurs établissements et un banquier a même été assassiné. À la fin, là, qui a payé? Les contribuables japonais, bien sûr. Et les autorités payaient ainsi le prix de leur impéritie ou de leur complicité avec les gangs yakuza. Une complicité de longue date, puisque, je vous l'ai dit, elle s'est manifestée quelques années seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Alors, il est temps de parler de ses parrains, là, les fameux Kurumaku, c'est ça? Kurumaku, ça veut dire en japonais « rideau noir ». Une allusion transparente au rideau noir du théâtre traditionnel kabuki, qui dissimule les montreurs de marionnettes. Le Kurumaku, c'est donc celui qui tire les ficelles. Alors, revenons, si vous voulez bien, aux plus importants, Kurumaku, Kodama et Sasakawa. Mmh. Tous deux criminels de guerre. Et emprisonnés, d'ailleurs, quelque temps par les Américains en tant que tels, je vous l'ai dit. Les Américains avec lesquels presque tout de suite ils collaborent. Mmh. Parce que d'abord, ils leur doivent leur libération. Évidemment. Mmh. Et ces deux Kurumaku, en dehors même des liens très étroits qu'ils vont entretenir avec les services secrets états-uniens, feront le lien entre les hommes politiques japonais et les milieux mafieux. À ce titre, ils vont donc devenir peu à peu des personnages indispensables, des arbitres sans lesquels rien ne peut se faire, des faiseurs de rois en somme, et tous deux richissimes et d'extrême droite. Quand vous dites faiseurs de rois, je n'exagère nullement, car l'un comme l'autre vont être à l'origine de la création du Parti libéral démocratique, le PLD, c'est-à-dire le parti conservateur qui va monopoliser pratiquement le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et indirectement, grâce à eux, ce sont les yakuza qui vont tenir les rênes. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je voudrais revenir sur ce que Monsieur X a appelé une spécificité japonaise, c'est-à-dire ces groupes de yakuza d'extrême droite qui harcèlent leurs adversaires. Dans un récent livre, La fin du modèle japonais, Jean-Marie Buissou écrit ceci. On en recense environ 1400 qui comptent quelque 120 000 membres. Selon la police, 40% sont des émanations directes des gangs. Plus de la moitié sont dûment enregistrés comme partis politiques, ce qui leur permet de recevoir des contributions financières en toute légalité. Baptisés de noms où le martial le dispute aux romantiques, Société pour la pureté et la justice, Association sincère du Grand Japon, ils font profession de défendre la patrie, son honneur, son essence nationale et l'empereur qu'ils l'incarnent. Après le syndicat des enseignants, leurs cibles favorites sont la presse libérale et les intellectuels qui osent un tant soit peu critiquer la maison impériale ou simplement donner du Japon une vision qui n'a pas l'air de leur plaire. Ils veillent au moral de la population jusque dans le détail que le club de théâtre du lycée local, sûrement gangréné par quelque enseignant communiste, répète une pièce qui n'est pas de leur goût et leurs engins sont bientôt devant l'établissement à hurler dénonciations et insultes jusqu'à ce que le proviseur, affolé, annule le spectacle et présente ses excuses. Il n'existe guère de défense contre ce type d'agression. Liberté d'expression oblige, la police ne bouge pas. Si le lynchage sonore n'amène pas la victime à récipiscence, les patriotes professionnels enchaînent avec des centaines de coups de téléphone menaçants. Ils peuvent aller aussi beaucoup plus loin. Depuis 1946, une trentaine de meurtres et d'innombrables actes d'intimidation, plasticage et coups de feu leur sont imputables. Chacun le sait et se le tient pour dit. Le livre de Buissou est publié par Fayard. Ce parti, le PLD, qui va si longtemps dominer la vie politique japonaise, a été créé en 1955, grâce à la fortune accumulée avant et pendant la guerre par le Kurumaku Yoshio Kodama. Et l'homme qui en prend la direction et deviendra rapidement Premier ministre est un criminel de guerre. Nobusuke Kishi, qui lui aussi a bénéficié du revirement de la politique états-unienne au Japon. Il n'a pas été jugé. Non, non. Son procès n'a même jamais été instruit. Et fidèle à l'idéologie de l'ancien régime, il s'empresse, aussitôt arrivé au pouvoir, de revenir sur les mesures libérales instaurées juste après la guerre par MacArthur. Les libertés syndicales sont reniées, les pouvoirs de la police étendus, bref, c'est le retour de la politique du bâton. Enfin, avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler du troisième pilier du système japonais. Le Kurumaku Sasakawa. Ben, allez-y, oui. Alors, comme son compère Kodama Rishio Sasakawa a fait fortune avant guerre. Dans quel domaine? Ben, il a spéculé sur le marché à terme du riz. Mais il a aussi exercé une importante activité politique, toujours avant la guerre. Fondateur du parti des masses populaires patriotiques, il se réclame donc de Mussolini. Il se rend même en Italie pour rencontrer le Duce. Et à son retour, il habille les membres de sa milice privée de chemise noire. Bah ça, au moins, c'est clair. Et un rapport américain rédigé en 1945 le décrit comme l'un des fascistes les plus actifs d'avant-guerre. Ça lui vaut d'être arrêté en tant que criminel de guerre. Et il rejoint en prison Kodama et Kishi, le futur premier ministre. Et comme eux, il est libéré en 1948. Ouais, après avoir fait allégeance aux Américains. Ça, c'est certain. Ouais. Peu après, grâce à ses relations politiques, il bénéficie d'une incroyable faveur. Le monopole des paris sur les courses de hors-bord. Ah bon, pourquoi c'est une grande faveur, ça? Parce que ces courses sont une des rares activités sportives sur lesquelles les Japonais sont autorisés à parier. Et grâce à cela, Sasakawa va gagner des sommes colossales. En même temps, le Kurumaku devient un propagandiste anticommuniste acharné. C'est par exemple un des fondateurs de la Ligue anticommuniste mondiale. Il crée aussi des organisations qui rassemblent des mouvements d'extrême droite. Et il est également conseiller du révérend Moon. La secte Moon. Oui, qui s'appelle officiellement l'Église de l'Unification et qui joue un grand rôle dans la lutte contre le communisme. L'énorme fortune de Sasakawa lui permet aussi de financer largement le parti au pouvoir et donc de disposer d'une influence considérable. C'est pourtant ce même homme qui n'hésite pas à proclamer « Je suis le fasciste le plus riche du monde ». Provocation. Peut-être. Car le bonhomme est malin. À côté de ses activités politiques et financières, il crée également des fondations humanitaires un peu partout dans le monde. dont l'une en France. Ah oui. Oui. Le philanthrope Sasakawa rêve alors d'obtenir le prix Nobel de la paix. Au début de son passé de criminel de guerre. Oui. Et puis notez-le bien, en 1995, ses obsèques rassembleront plus de 10 000 personnes, dont le président Carter. Jimmy Carter. Ça, c'est étonnant, ça. En effet. Ouais. Comme si tout le monde avait oublié quel homme il était en réalité. Ouais. Alors, lui aussi avait des liens avec les Yakuza? Forcément. L'un de ses projets ne pouvait être réalisé qu'avec le soutien des Yakuza. Quel genre de projet, là? Sasakawa avait l'ambition de faire du Nil des Philippines un paradis sexuel pour les touristes japonais. Ah oui, il est curieux, votre philanthrope. Là, oui. Heureusement, ce funeste projet a échoué. Alors, après cette parenthèse particulièrement éclairante, poursuivons. Il est évident que l'évolution de la politique japonaise vers le durcissement est suivie favorablement aux États-Unis. J'ajoute même qu'elle a peut-être été suscitée par Washington. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Au milieu des années 1990, un vrai scandale éclate aux États-Unis. Un journaliste du New York Times révèle que la CIA a versé des millions de dollars au Parti conservateur japonais, le PLD. Des versements justement effectués au cours de ces années où le gouvernement dirigé par Kishi a amorcé ce durcissement. Pardonnez-moi, enfin, ce n'est pas une réelle surprise. Il est notoire que la CIA a subventionné de nombreux partis de droite dans plusieurs pays. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi s'est produite ces fuites. Parce qu'à l'origine, il y a vraiment une fuite. Certainement. Je vais vous expliquer dans un instant. En tout cas, au Japon, le PLD nie avec la plus grande vigueur. Ah oui. Quant à la CIA, elle refuse bien sûr d'ouvrir ses dossiers sur le Japon. Pourquoi? Il lui est arrivé de déclassifier assez récemment, d'ailleurs, des documents pourtant extraordinairement embarrassants. Hein. Oui, mais enfin, le cas du Japon est différent à cause des Yakuza. Ça mérite une explication, quand même. Pour les États-Unis, le Japon revêt une grande importance. C'est une sorte de base avancée de l'Occident dans cette partie du monde. Et une base militaire aussi. Bien entendu, un rempart contre le communisme. Et si le pays a recouvré son indépendance en 1952, il est lié aux États-Unis par un pacte de sécurité mutuelle, au terme duquel les Américains se portent garants de la sécurité du Japon. C'est-à-dire concrètement qu'ils y entretiennent des centaines de bases où sont stationnées des dizaines de milliers de leurs soldats. Des troupes qui peuvent être utilisées n'importe où en Asie sans en référer au gouvernement japonais. En outre, ces militaires états-uniens bénéficient du privilège d'extraterritorialité. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être jugés au Japon. C'est ça. C'est aussi prévu que ces forces pouvaient intervenir au Japon, même à la demande des autorités du pays. Et ce dernier point, en particulier, suscitait une opposition grandissante. De part de qui? Des nationalistes? Non, c'était la gauche qui était inquiète. Car elle pensait que ce dernier article la visait directement. Enfin, vous avez raison de poser la question. Curieusement, les nationalistes au pouvoir se satisfaisaient très bien d'un traité qui les assujettissait pourtant aux États-Unis. En 1960, il est question de réactualiser le traité. Les Américains veulent en particulier pouvoir disposer d'armes nucléaires au Japon. Oui, un sujet très sensible dans le seul pays qui a été frappé par l'arme atomique. Naturellement, oui. Et au cours de l'année 1960, l'opposition à la révision du traité grandit, parce que la neutralité du pays semble en cause. Cette contestation rassemble les partis de gauche et du centre, mais aussi les syndicats et les étudiants. La droite réagit avec autorité et, majoritaire au Parlement, elle impose la ratification du traité. Mais les événements se précipitent. Grèves, manifestations de masse se multiplient. Et là-bas, les manifestations sont parfois très violentes. Oui, des gros bras du milieu et de l'extrême droite s'en mêlent. Une jeune étudiante trouve la mort. Tout cela est d'autant plus gênant pour le gouvernement de Kishi que le président Eisenhower doit venir en visite officielle au Japon. L'ordre doit donc être rétabli à tout prix. Et c'est là où je voulais en venir. Pour assurer la sécurité du séjour du président américain à l'initiative du Kurumaku Kodama, les autorités acceptent que les Yakuza viennent renforcer les effectifs de la police. Des dizaines de milliers de Yakuza. Cette fois, la collusion est manifeste. Et même si, finalement, la visite d'Eisenhower a été annulée, cette affaire a provoqué un énorme scandale. Des manifestations monstres et la démission de Kishi, aussitôt remplacée par un autre conservateur. Enfin, peu importe. Ce qui comptait, c'est que la droite avait jeté le masque. Il était désormais clair que la pègre était installée au cœur même du pouvoir et qu'elle allait en profiter pour accroître encore son influence et ses privilèges. Par conséquent, alors, pour revenir à la CIA, l'agence états-unienne se refusait à reconnaître qu'elle avait fourni des millions de dollars à un parti gangrené par des gangsters, c'est ça? Exactement, c'est ça, oui. Des gangsters qui, au fil des ans, vont essaimer un peu partout en Asie et même à Hawaï, sans cesser pour autant de s'intéresser aux affaires politiques japonaises et surtout au business. Alors, pourquoi cette fuite sur le financement du PLD là, par la CIA? À l'époque, Washington voulait obtenir de Tokyo un accord commercial le plus équilibré. Oui, car les entreprises américaines, européennes d'ailleurs aussi, avaient du mal à exporter au Japon. Hein. Et la balance commerciale américaine était déficitaire dans ses échanges avec ce pays. Toutefois, les Japonais promettaient toujours, mais en réalité, ils traînaient les pieds. Et les Américains en avaient assez. Aussi, l'administration américaine, en provoquant cette fuite, a voulu lancer un avertissement au gouvernement japonais. Ouais. Attendez, c'était quand même à double tranchant, hein, parce que cette révélation a aussi plongé la CIA dans l'embarras. Hein. Certes, mais c'était beaucoup plus grave pour les Japonais, car cette première révélation pouvait être suivie de beaucoup d'autres. Les Américains détenaient de nombreuses informations sur les turpitudes de la classe politique japonaise. Ils n'auraient pas hésité à s'en servir si Tokyo avait continué à faire de la résistance. Mais, si vous voulez, on en reparlera à propos de l'un des plus gros scandales qui a secoué l'archipel nippon, l'affaire Lockheed. Et nous retrouvons à cette occasion le Kurumaku Kodama. Rendez-vous est pris. Un dernier mot sur les Yakuza, je l'ai trouvé dans la conclusion d'un livre de deux auteurs américains, David Kaplan et Alec Dubrow. Je les cite. Comme les samouraïs qui, il y a 100 ans, échangèrent leurs sabres contre des relevés de profits et pertes, les yakuza aujourd'hui se débarrassent de leur passé médiéval. Les gangsters japonais viennent de découvrir que le monde criminel de la fin du XXe siècle n'exige ni idéologie, ni chevalerie, ni loyauté absolue. En contrepartie, l'heure a sonné pour les escrocs et les intrigants astucieux et audacieux. En conséquence, pour la première fois dans leur histoire, les Yakuza agissent autant pour eux-mêmes que pour le gang dans son ensemble, et ceci constitue une révolution au sein du crime organisé au Japon. À samedi prochain, donc, pour la suite de ce récit. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même des programmes un peu plus anciens. Et je vous rappelle aussi que des CD de Rendez-vous avec X sont maintenant dans le commerce. À midi, prenez le temps de faire dorer une tranche de pain de campagne recouverte de jambon cru et de comté. Au four, le comté enrobe le jambon de sa belle couleur dorée. C'est fondant, vous fondez. Le comté nous apprend à savourer le temps. Comté. Dans quelques instants, vous allez retrouver Denis Chessou. Vous écoutez France Inter, il est 14h. Le point sur l'actualité, Michel Khalifa. François Fillon a dû faire face aux protestations des lycéens cette semaine. Aujourd'hui, il a affirmé qu'il allait faire la réforme de l'éducation nationale, notamment celle du bac. Le ministre de l'Éducation nationale se dit prêt à prendre le temps qu'il faudra dans ce dossier. Aujourd'hui, François Fillon a reçu le soutien de Jean-Pierre Raffarin et de Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre a affirmé que son ministre de l'Éducation menait la réforme de l'école avec écoute et courage. Le président de l'UMP lui a demandé de tenir bon. Mieux vaut être prudent et patient si vous prenez la route aujourd'hui. Depuis ce matin, de nombreuses perturbations sont enregistrées dans l'Hexagone. Les plus grosses difficultés se situent sur les axes qui mènent aux stations de ski. À la mi-journée, 150 km de bouchons étaient enregistrés en Rhône-Alpes. Dans l'immédiat, on note tout de même une accalmie, mais le trafic devrait être à nouveau très difficile dans l'après-midi.